Unité 4, entraînement au DELF A1, compréhension de l'oral. Exercice 3. Salut, c'est Eric. J'ai réservé au restaurant. Rendez-vous à 12h30. Si tu as un empêchement, appelle-moi au 06 48 69 87 43. À plus, ciao.